chétan m'a coincé, j'sais plus comment faire. Le chétan m'a bloqué dans une sale affaire. Je savais ce que je faisais, j'ai continué quand même. On se donne des limites, mais on continue. On se donne des limites, mais on continue, ouais. Je vois des familles se faire et se défaire. On a grandi solo. Pas besoin qu'on se mêle de mes affaires, ni qu'on porte sur le dos. Orphelin, felin, felin. On verra demain, demain, demain. C'était l'âme pour les dévier, car c'est de tout le monde qu'on doit se méfier. C'était l'âme pour les dévier, car c'est de tout le monde qu'on doit se méfier. On a besoin de notre papa. C'était l'âme pour les dévier, car c'est de tout le monde qu'on doit se méfier. C'était l'âme pour les dévier, car c'est de tout le monde qu'on doit se méfier. On a besoin de la mama, on a besoin de notre papa. On a besoin de la mama, on a besoin de notre papa. On a plus de parents. Y'a que dans nos rêves qu'ils apparaissent, apparaissent, à ce qui paraît. Ils ont nos photos de leur appareil. Je recherche, puissé par les decks, touché par les dents. Je recherche, je me fais paniquer, j'ai des sales idées. Quand je regarde mes lots, je me dis que c'est la fête. Non, c'est pas tes mots, ça. C'est la misère que là je viens dénoncer. Car c'est de tout le monde qu'on doit se méfier. On a besoin de la mama, on a besoin de notre papa. On a besoin de la mama, on a besoin de notre papa. C'était l'âme pour les dévier, car c'est de tout le monde qu'on doit se méfier. Ça c'est l'âme pour les dévier, car c'est de tout le monde qu'on doit se méfier. On a besoin de la mama, on a besoin de notre papa. On a besoin de la mama, on a besoin de notre papa. On a besoin de notre mama. On a besoin. On a besoin. On a besoin de la mama.